cours numéro 14. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نراجع القاعدة الخامسة أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية نلخص في الجدول تقدم معنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية ما هو ضابط أو تعريف الثبوتية؟ أحسن ما أثبته الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام هذه ثبوتية تقدم المنفية أو السلبية ما هي؟ نعم ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مفهوم قاعدة أمس هنا دي نبقى في الثبوتية هذه هنا فينا الثبوتية هنا دي تنقسم إلى قسمين Amma, arrêtez d'écrire, suivez, trop cool tout à l'heure. Ça, vous le recopierez à la fin. L'essentiel, un, c'est la compréhension. Fatsubutia tan kasimila. Zatiya. Wa fi'liya. C'est quoi, ou ma huwa dhabit al-zatiya? C'est toujours. نعم التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الآن تعريف الفعلية سي ان فعل سو فعل سي بار رابور ا سا فولونتي متعلق بالمشيئة من يعطينا التعريف العربية نعم نعم هي التي متعلقة أو هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل يفعلها متى شاء كيف شاء عز وجل كيسك هذا زيكزام دو فعلية الضحك الضحك أحسنت لماذا الضحك تلا بلاسي هنا فعلية بكا تلا بامي هنا أحسنت الضحك صفة فعلية لمتعلقة بالمشيئة une autre الكلام نعم أحسن الذاتية تنقسم إلى قسمين القسم الأول خبرية لدوزيام قسم القسم الثاني معنوية كيف تعرف الخبرية السمعية شو نعتمين أن نزاستي ستفائدة وأبعاد. بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد هذه الخبرية السمعية تدوشوز كنا في عند الدرس أولا إنه أبلي خبرية سمعية لأن العقل لا يستقل العقل تسل tu vas voir une personne il connaît pas les adillah tu lui dis est-ce qu'Allah il a stossé fa khabariya ma yadri لأن حتى العقل il peut pas savoir cette chose هذا اللي هو بلي خبرية سبيل الخبر أو السمعية سبيل السمع أي الكتاب والسنة دوزيام شوز خبرية السمعية أي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد pour rapport à nous si t'as compris هذا tu peux nous citer des exemples العينين pourquoi tu le mets dans الخبرية السمعية نعم لأن par rapport à nous l'être humain أجزاء وأبعاد les yeux c'est considéré comme une partie de l'être humain c'est des membres أما في عقل الله لا العلماء ils l'ont cité pour te faciliter فقط c'est que c'est un deuxième مثال الوجه لماذا tu l'as cité في الخبرية السمعية العين العقل لا يستقل في إثبات هذا الصفة. أبرز دفع خبر من الله ومن الرسول العقل السفي. كذلك c'est un membre pour toi. في حق الله عز وجل tu parles pas de membre, لكن tu sais que c'est une صفة خبرية سبعية. الآن si t'as compris هذا, quand t'as une صفة et elle n'est pas خبرية et elle est ذاتية, forcément les ma'naouïs. Parce que si tu as compris Allah, il y a que fique. Il y en a, si on te demande, ça tu sais pas, elle est khabariya ou ma'naouïa. Si tu as compris khabariya et elle n'est pas khabariya, fait, tu la places dans ma'naouïa. Elle ma'naouïa. L'imala, ils l'ont appelé ma'naouïa aqliya. Alors comment on reconnaît une sifa ma'naouïa aqliya? Deux choses. Ahsant, annahu c'est une ma'na. Aïe, par rapport à nous, ça ne sera pas ajza wa ab'ad. مثلا الوجه on a dit خبرية سمعية لأن بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد c'est un membre. Est-ce que العلم مثلا pour rapport à nous c'est un membre, c'est quoi? C'est le معنى. العلم c'est quelque chose que t'as en toi, c'est le معنى. هذه معنوية عقلية. فالآن c'est quoi la différence entre هذه et هذه? هذه on a dit خبرية سمعية أي أن العقل لا يستقل في إثباتها. أما هذه نعم مثل ماذا؟ نعم صفة العلم. الآن هذه ذاتية. C'est quoi le ضابط؟ répète-le. متصفا بها. أحسن. مثلا الوجه الله il a toujours eu, il aura toujours. الفعلية c'est quoi le ضابط? متعلقة بمشيئته. مثلا النزول. النزول الله لا استصفه لكن سان فعل. ينزل في ثلث الليل الأخير. أمس نبي فائدة أن حتى الفعلية شك صفة فعلية ألا ذاتية. من يشرح هذا؟ الفعلية ذاتية. فعلية مثلا الكلام. أحسنت. Et pourquoi les ذاتية en même temps? Parce qu'elle a toujours. بالعربية. متى يشاء فعلية. ذاتية. لم يزل ولا يزل متصفا بها. يا جامي يا ماما ان الله لا بو صفات الكلام لكن الفعل سي اوت شوز. هذا سي بارتي دو تابلو فقط اي لا ريغل نيميرو 5 اي ان شاء الله لي زوت ريغل اون لي ميترا اون اسيرا دو ميت توت لي ريغل دون ان غران تابلو ان شاء الله تعالى. قال الشيخ الامام محمد بن صالح العزيمين عليه رحمه الله القاعده السادسه من قواعد الصفات. قال يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين, أحدهما التمثيل والثاني التكييف. يلزم أي يجب في إثبات الصفات التخلي c'est obligatoire في إثبات الصفات التخلي أي tu t'écartes, tu délaisses deux choses, التمثيل والتكييف. التمثيل لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. Il y a rien qui lui ressemble, سبحانه. لأن الله il est parfait, ses attributs sont parfaits. Ça t'a pas le droit de faire ressembler Allah à sa créature. لأنه c'est du نقص. كذلك t'as pas le droit de faire ressembler la créature à Allah. لأن la créature elle est ضعيفة. هذه القاعدة المهمة. عقيدة أهل السنة أنهم يثبتون الصفات لكن بدون تمثيل. كذلك يثبتون الصفات ولا يخوضون في التكييف لأنه غير معلوم بالنسبة لنا. Et on avait déjà vu qu'il y a un takif, la shak. Les attributs d'Allah, ils ont un comment. لكن on ne le connaît pas. On avait dit, تذكرون في درس سابق أن الشيخ العثيمين رحمه الله dans une qaïda, il avait employé le mot tashbih. Et dans son sharh, رحمه الله il avait montré أن الأفضل c'est de dire تمثيل. وهنا vous avez remarqué il a dit تمثيل. Dans son sharh رحمه الله قال كان ينبغي أن نقول مماثلا بدلا من مشابها. سأعود على قاعدة ستلا قاعدة numéro 4 في الأسماء. Il avait dit رحمه الله il avait dit مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق. الأفضل ستجيب مماثلا. قال ولكني كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين الفرق بين المشابه والمماثل. أنا شغل يا طيمين رحمه الله ضل قواعد المثلة parfois il emploie le mot mushabih ou at-tashbih. Ça c'est avant qu'il s'aperçoit de la différence entre at-tamthil ou at-tashbih. Il y a une différence. Amma avant Cheikh Al-Taymin, il pensait qu'il n'y avait pas de différence. Falihada, des fois il disait tashbih, des fois tamthil. Quand il a écrit ce sharh, ou ce sharh c'est des audios, il l'a expliqué à ses tollab, il leur a montré à Nao, il y a une différence. Il y a une différence, ça le mieux c'est de dire tamthil, mumathil. C'est mieux que tashbih. Limada, trois choses. قال وذلك لعدة أسباب. Il en a cité trois. قال الأول. Première chose. Pourquoi on dit تمثيل et on dit pas تشبيه؟ أولا أن لفظ المماثلة هو اللفظ الذي عبر الله به. Premièrement أن في القرآن الله قال ليس كمثله شيء. فالأفضل أن نغسط مع تعبير القرآن لأن الله لأعلم وأحكم. هذا أولا أن القرآن on a l'offre à Timtim, on n'a pas l'offre à Tashbih. Thaniyan, deuxièmement, Anna, je vous résume. Qala, Anna Tashbih, Shara Isman Inda Qawm, Yanfouna bi kullu ma thabat Allahu min sifatih, wa yakulun hada Tashbih, hatta wa in kanat al mushabaha fi mutlaq al ma'na. Tashbih, qad yakun fi asl al ma'na. Mathalan, Allah, إلى صفة الوجه الإنسان إلى صفة الوجه ففي الحقيقة أصل المعنى أي إذن من اسم هذا سان وجه هذا سان وجه فيا المشابهة من هذه الناحية فقط. Ça ne veut pas dire que le visage d'Allah il ressemble au visage de la créature abadan. لكن أصل المعنى كما يقولون أو المعنى الكلي كما يعبرون أن تكمبخون لمن اسم قد فاسلتها. مثلا الله إلى دماء l'être humain il a des mains. Lakin est-ce que c'est les mêmes mains? La. لأن التمثيل c'est من كل وجه. والتشبيه ça peut être وجه من الوجوه. Allah il a des mains. نعم. L'être humain il a des mains. نعم. بعض الضلاب ils ont dit on n'a pas le droit de faire التشبيه. Si l'être humain il a des mains, ça veut dire qu'Allah il a pas de mains. Ils ont pas compris la différence. La. L'être humain il a des mains. C'est des mains d'être humain. Allah il a des mains, c'est des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala shak, anna le nom c'est le même, yad et yad. Lakin est-ce que ce nom et ce nom, il y a du tamthil, et c'est les mêmes? Abadan. Fali hadha l'afdal c'est l'ibara bit tamthil. Al-thalith, troisième chose, et il ressemble au deuxième. Anna al-mushabaha qad takoun fi ba'd al-ashya. أن المشابهة peut être dans certaines choses. مثلا ما main et ta main se ressemblent. On a cinq doigts, on a une paume, on a de la peau, on a des os. Elles se ressemblent. أما التمثيل لا. On n'a pas la main la même. Peut-être que la tienne elle est un peu plus grande. C'est ça la différence entre التمثيل et التشبيه. أن التمثيل c'est une ressemblance dans tous les domaines. أما التشبيه لا. Ça peut ressembler dans une chose. مثلا la couleur. Matalan, on a la même couleur de peau. Amma la taille, c'est autre chose. Fa lihada, c'est mieux de abbar bit tamthil. Lian Allah laysa kamithlihi shay. Qala qad takun fi ba'd al-ashya wa hada bi khilaf al-mumathala allati qad takun fi jami' al-ashya. Qala wallahu 'azza wa jalla lam yanfi 'an nafsi musharakatan maqluq lahu fi kulli shay min al-ashya. Fa nahnu naqul lillah wujud wa lana wujud. Allah il est mawjud. Allah il existe. Et nous, on est موجود, on existe. Il y a une ressemblance. Min hayt asl al ma'na, l'existence et l'existence. Est-ce que c'est la même existence? Wujud Allah azali wa abadi. Ay, Allah, son existence, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Amma anta, ton existence, il y a un début, il n'est pas azali. Hada. Fal'an, vous avez compris la différence. Cette mas'ala, elle est précise du thème. Al-mumathala, أولا elle est dans le Coran. Deuxièmement, il peut avoir de la mushabaha fi asl al-ma'na. Ça ne veut pas dire que les mains du makhluk elles sont comme les mains d'Allah. Abadan. Kadhalik al-mushabaha, elle est fi wajh min al-wujuh. Et le mumathala là, c'est dans tout. Enfin, maintenant l'existence, enfin, nous on existe et Allah il existe. Lakin, est-ce que c'est la même dans tout? Abadan. Abadan. L'existence d'Allah elle est parfaite, pas de début, pas de fin. Notre existence, enfin, c'est une existence de makhluk. On avait un début, Allah il nous a créé, et on a une fin, on va mourir. Mais on va aller soit au paradis, soit en enfer. À l'éternité. Cette éternité, c'est bi'idnillah azza wa jalla. Lakin, بعض العلماء الآن, ils disent tashbih أحيانا. بعض العلماء ils le disent et ils veulent un tamthil. Comme Cheikh Al-Uthaymeen dans la troisième qaïda, ou la quatrième qu'on a vu. Il avait dit mushabihan, ولا شك أنه هو il voulait معna mumathila. فلا بأس. لا بأس. Si c'est qu'un ta'bir, l'amr il est ça. Lakin, en tant que talib ilm, tu dois bien savoir la différence. Tu dois bien savoir حتى تفهم. On revient à la qaïda. Al-mu'min yajib alayhi fi zimati Allah azza wa jalla at-takhalli min mahdhurayn. On doit s'écarter de deux choses via hadha al-bab al-muhim. N'importe quel attribut que tu entends min al-kitab ou min as-sunnah, automatiquement tu t'écartes du tamthil. Maintenant, tu entends qawl Allah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik. Tu sais qu'Allah il a un wajh. Automatiquement, c'est pas un wajh comme le makhluk. Tu t'écartes min hadha. Abadan, ça te rentre dans l'esprit anna le wajh de Allah, il est comme le visage des créatures. Abadan. Deuxième mahdour, at-takif. T'as entendu ce verset, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Tu sais qu'Allah il a un visage, et ابْتَعِدْ مِنَ التَّكِيف. Mais c'est pas de savoir comment. Comment il est son visage. Allah il a un wajh, il a un wajh. Arrête-toi ici. Amma si tu ouvres ce bab, khalas. Ce bab d'égarement. Ou alors tu donnes un takif. Ça ne sera pas le bon takif. لأن t'as jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne t'a informé. قَالَ فَأَمَّا التَّمْذِيلِ قال فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل السمع القرآن والسنة العقل لا غيره الغجت التمثيل أي تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوق أو المخلوق بالله عز وجل لا غيره الأدلة يغجت هذا إذا لست قال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون celui qui crée أي الله il n'est pas comme celui qui crée pas أي la créature قال وقوله هل تعلم له سميا قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد tous ces adillah ils ont la même معنى que ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد أي il n'y a rien qui lui ressemble il n'y a personne qui lui ressemble هل تعلم له سميا est-ce que tu connais une chose qui ressemble à Allah? Là. Laïsa kamitli shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Enfin, tous ces adillah, ça montre qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah. Fais écarte-toi du tamthil. Qala wa amma al-aql fa min wujuh. Avec la raison, il va te montrer que c'est impossible que la créature elle ressemble à Allah. Ou Allah il ressemble à la créature. Impossible. Qala al-awwal, premier wajh. Qala annahu qad ulima bil-dharura. أن بين الخالق والمخلوق تباينا أي اختلاف تباين في الاختلاف أو الفرق فأنتخ الخالق والمخلوق تباين يعني فرق c'est pas la même chose قال في الذات si on demande à n'importe qui c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il l'a mis dans l'arbre est-ce que ton ذات أي ton être à toi c'est le même que le ذات d'Allah عز وجل أبدا هذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. الآن tu vois l'approche qui fait Cheikh Ibn Uthaymeen avec l'aql. Si on n'a pas le même ذات, forcément on n'a pas les mêmes صفات. لأن الصفات تتبع الذات. قال لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. Tu prends deux créatures. Ils n'ont pas le même ذات. La chaque que les sifat elles vont être différentes. Mazalan, une personne, il fait 2 mètres avec un enfant. Un enfant, il fait 50 cm. La chaque que les sifat, ce ne sera pas les mêmes. Est-ce que la force, ça sera la même? Là. Est-ce que les mains, ça sera les mêmes? Là. Hada, il aura des mains plus grosses, plus grandes. Wakada. Ça, c'est fait le makhluk. فما بالك الله سبحانه وتعالى il n'a pas le même ذات que nous عز وجل les sifat elles ne vont pas ressembler من باب أولى أو يستلزم ذلك كما قال شيخ العثيمين. قال فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. نحن نعطي الإكزوم أن أجلت ذلك أنفو إذن قلع من فوق. ما بالك الآن البعير؟ البعير سكم الإبل، البعير سلشامو. قال فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. الذرة النملة لا فورمي. فإن فورمي ألا لا فورس لا شك سي إن بتيت فورس لكن سي إن فورس إن فورمي. البعير الآن لشامو إلى قوة عجيبة. البعير تو بو لو ميت دي كيلو دي سنتين دو كيلو يمشي، ربما يمشي إن سمان تحت الشمس إي بوا با يمشي. إلى قوة عجيبة جدا. C'est un animal, il boit peu, il porte des charges lourdes. Est-ce que tu vas comparer Al-Ba'ir avec Al-Namla? Al-An, les deux ont des mêmes sifat. Aïe, comme on a dit, il a une kouwa. Est-ce que c'est la même? Abadan. Hada, il va te porter une charge de 500 kilos, le chameau. La fourmi, elle va te porter quelques grammes. La Cheikh Ibn Uthaymin, il te montre, Al-Makhlouq, entre eux, ils n'ont pas la même, ils n'ont pas les mêmes sifat. Est-ce qu'Allah il a sifat al-quwa? Ma dalil? Dhul quwwati al-matin. Wa huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Dhul quwwa. Est-ce que l'an sa quwwa elle va être comme al-ba'ir ou la fourmi? Allah il a al-quwwa al-mutlaqa, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien, il n'y a pas une chose qu'il ne peut pas faire. L'anna il a al-quwwa al-mutlaqa. C'est ça l'approche avec l'aql. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها بالإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. Si t'as compris, les créatures entre elles, ils n'ont pas les mêmes sifat. Pourtant c'est le même nom. قوة قوة. ما بالك رب العالمين. Si t'as sifat القوة, t'entends sifat القوة في رب العالمين, ne comprends pas le تمثيل. Ça c'est le premier وجه. Et il est قول. الثاني أن يقال كيف يكون الرب القالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص الحق أو لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم لا شك كل عقلاء يعرف que l'être humain ou les créatures sont faibles. L'être humain est malade, il meurt, il a des faiblesses, il oublie. Le fait que tu fasses ressembler Allah à ce makhlouq, t'es en train de dire qu'Allah il est naqis. Et les uqala, ils n'admettent pas hada. Ashab al-fitra. Si tu l'adores et c'est ton robe, c'est qu'il est parfait. Qala al-thalith. Le deuxième, il est simple. Qala annana nushahid fil makhlouqat ma yattafiq fil asma wa yakhtalif fil haqiqa wal kayfiyya. Ce point, il va ressembler au premier. Qala fanushahid anna lil insan yadan laysat ka yad al-fil. Al-An, il va revenir à ce qu'on avait expliqué fil mushabah. Anta t'as des mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Bal yadahu mabsutatan. Et fil hadith, kilta yadayhi yamin. Ces deux mains, c'est des mains droites, azza wa jalla. Ça ne veut pas dire que Allah il s'est attribué sifat al-yad, que c'est la même que la créature. Les créatures entre elles, l'être humain, il a des mains. Ou al-fil, il a des mains. Mais l'arabia, ça s'appelle yad. En français, ils traduisent par des pattes. سليمان أبدا. قال شيخنا تيمية قال فنجاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم. سأكون مزادي الطلع. فهي المشابهة في الاسم. C'est pour ça que c'est mieux de dire ليس كمثله شيء كما في القرآن. أما si tu dis il y a pas de مشابهة, on peut te dire si les noms ils se ressemblent. C'est pour ça c'est mieux de تعبير بالتمثيل. On revient à notre مسألة الآن. Comme on a vu le premier exemple, la fourmi avec le chameau, ou ici il a donné l'exemple de l'éléphant, c'est pas la même force l'éléphant avec une fourmi. قال مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة. La différence ça va être بالإضافة. T'as le mot قوة, force. Sans إضافة, tu peux comprendre plusieurs choses. Si je te dis قوة, tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre force. Si je te dis quwwat al-namla, tu vas comprendre force de la fourmi. Si je te dis quwwat al-fil, tu vas comprendre la force de l'éléphant. Si je te dis quwwat Allah azza wa jal, tu vas comprendre la force d'Allah, elle est parfaite. Enfin, ça dépend de l'idafa. Ça dépend de l'idafa. Al-yad, je te dis yad, al-bashar. T'as compris? La main de l'être humain, la main tu connais, avec une paume, avec 5 doigts en général, avec de la peau, avec des os. Je te dis, yad al-fil. Tu vas comprendre la patte de l'éléphant. Je te dis, yad Allah. C'est une main, lakin comment elle est, Allah a'lam. Est-ce qu'elle ressemble à cette créature? Abadan. Laysa kamithlihi shay. Fa hadha al-kalam fi al-haqiqa il est mufid. Il est mufid. Si tu comprends hadha avec l'adilla, fa inshaAllah. Ton istidlal bi'idhni Allah il sera qawi. Qal wa baynahuma tabayun fil kayfiyya wal wasf. Fa'ulima bidhalika anna al-ittifaq fil ism la yalzam minhu al-ittifaq fil haqiqa wa at-tashbih kat-tamthil wa qad yufarriq baynahuma. Na'am, was-sawab. Le livre, Cheikh Ibn Taymin, il l'a écrit à l'époque. Enfin, c'est pour ça qu'il a dit Tashbih kat tamthil. Et Tashbih, c'est comme tamthil. Hada la, fi nazar. C'est pour ça qu'après, il a dit Waqad yufarriq baynahuma. Et c'est ça le sawab. C'est qu'il y a un farq, et on l'a cité. Qala bi anna at-tamthil at-tashbih fi kulli sifat. On l'a vu. Wa at-tashbih at-tashbih fi akthar as-sifat. Hada. At-tashbih, Fulan, il ressemble à Fulan, at-tashbih, dans plusieurs choses. La plupart des choses, il ressemblera. Amma dans toutes les choses là. Amma at-tamthil, c'est une ressemblance dans toutes les choses. Et c'est ça, al-qawl as-sahih, min kalam ahl al-ilm. Wa ta'lamoun, anna Cheikh Ibn Taymin, il est revenu ala hada al-qawl. Vous notez, Anton, anna Cheikh Ibn Taymin, dans son charh, il a montré, anna, il y a une différence. C'est ça, al-qawl as-sahih. À partir de demain, on reprendra mas'alat tashbih wa tamthil. Cheikh Ibn Taymin, il a répété ona, ça nous fera une révision. Et, inshallah, on finit cette règle al-muhim. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.